27. Une mort héroïque. Fanciul était un admirable bouffon et presque un des amis du prince. Mais pour les personnes vouées par état au comique, les choses sérieuses ont de fatales attractions. Et, bien qu'il puisse paraître bizarre que les idées de patrie et de liberté s'emparent despotiquement du cerveau d'un histrion, un jour Fanciul entra dans une conspiration formée par quelques gentilshommes mécontents. Il existe partout des hommes de bien pour dénoncer au pouvoir ces individus d'humeur atrabilaire qui veulent déposer les princes et opérer, sans la consulter, le déménagement d'une société. Les seigneurs en question furent arrêtés, ainsi que Fanciul est voué à une mort certaine. Je croirais volontiers que le prince fut presque fâché de trouver son comédien favori parmi les rebelles. Le prince n'était ni meilleur ni pire qu'un autre. Mais une excessive sensibilité le rendait, en beaucoup de cas, plus cruel et plus despote que tous ses pareils. Amoureux passionné des beaux-arts, excellent connaisseur d'ailleurs, il était vraiment insatiable de volupté. Assez indifférent, relativement aux hommes et à la morale, véritable artiste lui-même, il ne connaissait d'ennemis dangereux que l'ennui. Et les efforts bizarres qu'il faisait pour fuir ou pour vaincre ce tyran du monde lui auraient certainement attiré, de la part d'un historien sévère, l'épithète de monstre, s'il avait été permis, dans ces domaines, d'écrire quoi que ce fût qui ne tendît pas uniquement au plaisir ou à l'étonnement, qui est une des formes les plus délicates du plaisir. Le grand malheur de ce prince fut qu'il n'eut jamais un théâtre assez vaste pour son génie. Il y a de jeunes Nérons qui étouffent dans des limites trop étroites et dont les siècles à venir ignoreront toujours le nom et la bonne volonté. L'imprévoyante providence avait donné à celui-ci des facultés plus grandes que ses états.